Caramel. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. 36 000 selon la police, 50 000 selon la CGT. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y avait belle lurette, que l'on n'avait pas vu autant de monde en ville manifester et défiler. Pour vous faire une idée, vers 10 heures, quand la queue du défilé n'était pas encore partie du monument aux morts, la tête était déjà à Arnaud Bernard. Les impôts étaient là, des artisans, des fonctionnaires, des commerçants, l'éducation nationale était là également. Les électriciens, ceux d'Enedis, d'Électricité de France, Thalès était aussi là, et Airbus, et les supermarchés Carrefour. Les étudiants étaient également là et les hôpitaux, les CHU de Toulouse, l'hôpital Varsovie, des salariés des EHPAD et puis également les chauffeurs de bus, également les cheminots étaient là, les travailleurs sociaux, la santé mentale, le médico-social et même des retraités dans le défilé. On y retrouvait aussi les anards de la CNT, le PCLFI et bien sûr les cortèges des 8 fédérations de syndicats ayant appelé à se défiler contre la réforme de la retraite, préconisant entre autres le recul de la prise de cette retraite à 64 ans au lieu de 62 actuellement. Une décision qui a du mal à passer. Injustice, entend-on un peu partout dans le défilé. Métro, boulot, caveau. Elisabeth, tu dépasses les bornes. La retraite avant l'arthrite sont les slogans les plus inscrits sur les pancartes. Une autre pancarte montre la photo d'un cercueil avec cette légende: la nouvelle caisse de retraite est déjà prête. Et cette banderole est portée par des militants de la CGT et elle prête un peu à sourire. Néanmoins, l'ambiance n'était pas à la rigolade hier. Écoutez plutôt le son qui suit. Le silence, même si autour des camions syndicaux, les chauffeurs essayaient d'ambiancer la foule et de faire monter la sauce, même si en fin de cortège, une batucada que l'on vient d'écouter dans ces quelques échos de la manifestation d'hier envoyait le bois, ce qui ressort de ces deux heures de marche le long des boulevards toulousains, c'est le silence. Pas de slogan repris en chœur, pas de cri, mais le silence d'une foule préoccupée par ce qui venait de lui tomber sur la tête. On parle entre collègues, entre voisins de manif, on compare les situations, on simule des trajets de prise de retraite, on disserte, et je vous jure, je l'ai entendu hier dans le défilé, sur La volonté jupitérienne de faire payer aux travailleurs par le report de l'âge légal de la retraite le fait qu'il y ait des déficits publics en France. Enfin voilà, l'heure était à la discussion tous azimuts. Des manifestants venant du bâtiment évoquent juste à côté de moi des ouvriers complètement pétés qui ne peuvent plus rien porter avec leur dos baisé. À 20h, les journaux télévisés donnent les chiffres. 1 200 000 manifestants pour la police, plus de 2 millions pour les syndicats. Prochain rendez-vous le 31 janvier et pendant ce temps-là, Jupiter excursionne à Barcelone avec une douzaine de ses ministres. Un stage de remobilisation de son équipe ministérielle sans doute et Dieu sait qu'ils vont en avoir besoin. Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse saison 34 réalisé ce soir par Valentin Jiquel. Ce soir on parle de musique et d'équilibrisme avec la guitariste Marie Olaya à quelques jours du concert qu'elle va donner au Taquin en guitare solo. Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission et grand spécialiste de jazz bizarre devant l'éternel, nous accompagnera pendant toute l'heure qui vient. Et puis en fin d'émission, retour de notre bon professeur Thibault pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et donc essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Composée de trois musiciens bien connus de ce côté-ci de la Garonne et même au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, le trio Mowgli sort aujourd'hui un deuxième album Gueule de Boa que l'on attend des plus. Tant il est vrai que Ferdinand Doumerc au sax, Pierre Paulet à la batterie et Bastien Andrieux au clavier sont des gens très pris par ailleurs. Puccinella ou la pieuvre irréfutable pour les deux premiers et Reco Reco pour le troisième, auquel il faut rajouter des participations, chacun de leur côté, à plein de formations toulousaines. Par exemple, Initiative H, Wet Bangers, Lyonnaise Shep, ou le parti collectif Liste non exhaustive. Aussi, cette sortie d'album fait-elle figure de petits événements, son urbain, mélange d'acoustique et d'électronique, sonorité lancinante et criarde, ambiance sauvage entre rock, électro, jazz et musique impro. La musique de Mowgli étonne et enthousiasme. À voir le 18 février prochain au Taquin et à écouter illico tout de suite dans Caramel Mou, Mowgli, Biscuit, Urbi Dédé, extrait donc de Gueule de Bois, leur deuxième album. C'est Caramel Mou et c'est un mieux. We'll be right back. Qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça ? Qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM, c'est l'émission Caramel Mou et ce soir nous recevons, quand je dis nous, c'est Jean-Pierre Lérac et moi-même, nous recevons Marie Olaya, jeune musicienne toulousaine, guitariste, que l'on commence à écouter pas mal de ce côté-ci de la Garonne, et comme on dit souvent ici, et bientôt on l'écoutera même partout ailleurs, on va vous écouter Marie Olaya dans pas très longtemps au Taquin, dans une dizaine de jours dans le cadre d'un concert, d'un pavé dans le jazz, dans un numéro qui est assez funambulesque. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de guitare et d'équilibrisme. Le guitare solo, y a plein de musiciens ici qui s'y sont jetés dessus. Joachim Ortega, Nicolas Lafourès sont deux guitaristes qui régulièrement ferraille tout seul avec leur instrument devant un public. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer aussi dans cette affaire, Marie Olaya, alors qu'on vous connaît aussi pour des participations en duo notamment, ou dans un collectif Troisième Face, dont vous êtes une des membres. Pourquoi à un moment donné se lancer dans ce numéro d'équilibriste ? Ce numéro d'équilibriste Donc le solo, il faut savoir que j'ai commencé la guitare très petite, la guitare classique, et en fait je pense que sur mes 23 ans de compagnie avec la guitare, je pense que bien 75% du temps j'étais toute seule avec ma guitare. Mes premiers concerts étaient en solo. Mmh. Bon, c'était dans un cadre de conservatoire, certes, mais ça a alimenté 12 ans de ma vie quand même. Mmh. Et donc sur un répertoire classique ? Un répertoire classique, musique écrite, purement, avec des partitions, tout ça. Mais du coup, moi, avec tout ça, mon indépendance, mes études de musique actuelle et tout ça, en fait, j'ai eu envie de donner un gros coup de pied sur toutes ces conventions que j'ai apprises, toutes ces normes qu'il faut, toutes ces normes qu'il faut remplir pour pouvoir avoir la validation et rentrer sur la scène pour pouvoir. Parce que jouer de la guitare solo, c'est quelque chose qui, sur le papier, ne paraît vraiment pas simple, parce que c'est un instrument assez, assez complexe. Et qui, en fait, quand on est en solo, la moindre erreur s'entend, entre guillemets. Moi, j'ai voulu donner un gros coup de pied là-dedans, parce que je viens aussi de cette institution de zéro erreur, zéro faute, tout. Il faut tout jouer parfait pour que ce soit validé et applaudi. Donc vous sortez, on l'aura compris, d'une formation très conservatoire, j'allais dire conservatrice, mais ça vient, les deux mots ont à peu près la même origine. Donc vous êtes passé par le conservatoire à Toulouse ? Non, j'ai fait le conservatoire du Tarn à Mazamé. Après, je passais à Castres et j'ai un peu sillonné le Tarn entier et Albi un peu aussi. Et donc, vous êtes arrivé à Toulouse pour continuer vos études musicales, c'est ça ? Exactement. J'ai atteint une espèce de limite avec le conservatoire où j'avais 18 ans et je savais que ce n'était pas à Mazamé que j'allais pouvoir rencontrer des musiciens qui pourraient... Avec qui vous pourriez jouer. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, mon ancien prof de musique actuelle, que j'apprécie beaucoup, et Eric Facio, m'a conseillé fortement d'aller sur Toulouse afin de rencontrer et d'explorer plusieurs mondes différents. Mmh. Parce que c'est vrai que le Tarn, malheureusement, c'est un peu plus... Allez, on va dire que c'est enclavé. Voilà. Étant moi-même albigeois, je n'ai aucun scrupule à le dire. On va dire que c'est un peu enclavé. Tiens, hier, à partir de Gaillac, la route était coupée. Il y avait 50 cm de neige et plus aucune voiture ne passait. Voilà, c'est ça. Donc, du Tarn, vous arrivez à Toulouse, vous atterrissez où ? Alors, du coup, j'atterris à Musicale, l'école musicale. Voilà, voilà, comme par hasard. Exactement. Où j'ai fait la rencontre de Marc Demereau, un an après que je sois rentrée, pour un stage de musique improvisée. Je n'y connaissais absolument rien. Et là, j'ai eu une révélation dans le style, mais qui n'est pas purement musicale à la base. Ça a été dû au fait que justement toutes ces musiques improvisées, il nous a fait écouter du Free, Ornette Coleman, tout ça. Moi, ça m'a rendu complètement boulimique, donc je mangeais tout ce que j'avais dans le sac. Et Marc m'a dit donc, tu as faim ce matin. Et puis je disais non, je suis désolée, mais c'est la musique qui me donne envie de manger comme ça. Et puis là, il a commencé à dire. Oui, mais en fait, je vous explique que cette musique relate de l'instinct. L'envie de manger est aussi instinctif. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un éveil sur la véritable intention de cette musique-là, que je n'ai plus jamais écoutée de la même manière, et que je me suis dit, ah mais oui, d'accord, c'est vraiment un carburant de jouer de la musique, parce que moi, j'étais devenue complètement... formaté par ses partitions, il fallait reproduire les morceaux et puis point barre. Et à l'identique, sans jamais changer une note. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la note qui change, on nous la fait bien, on nous la souligne très fort. Et on vous la fait payer. Surtout ça, oui. Ce qui est quand même étonnant, et après on commencera un peu à écouter votre musique, ce qui est quand même étonnant, c'est que l'univers du classique oublie quand même qu'à une certaine époque, et je pense en particulier au baroque, les partitions étaient certes écrites, mais avec des grands blanc dans les partitions où normalement la tradition voulait que l'instrumentiste commence à jouer sa propre partition et parte sur des improvisations. Et c'est vrai que cette tradition-là, donc qui vient de la musique baroque, Bach en est le principal artisan. Les partitions de Bach sont souvent des partitions à trous. Elle a été complètement gommée au 19e avec l'arrivée du romantisme et tous ces mouvements musicaux-là qui ont codifié et fermé la musique. C'est un peu ça. Alors, il y a un petit peu de ça, en effet. Je pense aussi que, comme on parlait conservatoire, conservateur aussi, c'est qu'on ne veut surtout pas perdre la mémoire de ces musiques-là. Et avec ce que je sais de ce que j'ai pu étudier dans l'histoire de la musique classique, c'est que les codes se sont établis. Parce que quand bien même les morceaux de Jean-Sébastien Bach étaient à trous, mais en fait, lui ne pouvait pas s'endormir si on restait sur un accord suspendu. Voilà, donc il y avait quand même des règles bien précises et c'est très logique en fait, qui se sont de plus en plus affinées avec le temps. Le classicisme, je parcours en gros, mais le baroque avec le classicisme par la suite et le romantisme, c'est une évolution des codes en fait de la musique. Et après, dans le romantisme, par contre, on en est venu à des œuvres monumentales, très très fournies, avec des dizaines et des dizaines de musiciens sur la scène. Mais après, nous avons eu quand même les punks du romantisme, qui ne sont plus vus comme des punks tels qu'on les connaît nous maintenant. Mais Claude Debussy, par exemple, qui était le mauvais élève par excellence, qui a décidé de mettre des gammes par ton qui étaient interdites complètement dans les lois. Et sa musique, je ne sais pas si elle a été censurée, en tout cas, elle a été bien boycottée tout le long de son époque. Et pourtant, c'est une musique très, très écrite. Et c'est sans doute pas un hasard si la musique française du début du XXe est aussi revendiquée comme une des sources d'inspiration d'un certain nombre d'improvisateurs français. Quelle musique française dont celle de Debussy, celle de Satie, cette musique classique du début du XXe. Complètement. Et que certains musiciens, vous parliez de Marc Demereau par exemple, mais que certains musiciens dans les musiques impro peuvent revendiquer comme une des sources d'inspiration, cette façon un peu de recasser les codes et de revoir un peu cette musique classique qui était en train de de se formaliser. Et là, dans les deux sens du terme, rentrer aussi dans le formol. Marie Olaya, vous jouez de la guitare. On continue à parler avec vous juste après avoir commencé à vous écouter un morceau que vous nous avez envoyé qui fait 31 minutes. Évidemment, on ne l'écoutera pas en entier. Marie Olaya, avant de passer la parole à Jean-Pierre Lérac, vous pouvez un peu nous expliquer deux, trois choses sur ce morceau. C'est quoi? C'est une seule guitare? Il y a des échos derrière? Comment ça se passe, ce morceau-là, par exemple? Alors, il y a plusieurs explications. Alors, pour l'explication technique, je suis toute seule à la guitare et j'ai un grand pédalboard, donc j'ai beaucoup d'effets au pied. Et à l'intérieur, j'ai une pédale de loop. Donc, je crée des textures et des tournes avec ça. Et ensuite, moi, tout est de l'improvisation. Donc, après, à partir du moment où je crée une boucle, ça crée quand même une espèce de structure. Mais moi, après, j'improvise tout autour de ça. Il y a quand même un concept très important qui me tient à cœur dans ce solo. C'est de se rapprocher au plus proche de son instinct. Et pour se rapprocher au plus près de cet instinct-là, il faut casser les codes et les diktats qui nous sont imposés. Ce morceau s'intitule « Forêt ». Pourquoi « Forêt » Parce que, on revient au Tarn, mais je viens de la montagne noire et la maison à laquelle j'habitais était au pied de la montagne noire, donc à côté d'une forêt. Et c'était mon refuge quand j'étais adolescente, pour m'éloigner absolument de tout. Absolument l'abri, de chercher un abri qui pouvait m'isoler en fait de plein de choses. La société, par exemple. Et en fait, j'ai aussi lu entre-temps L'Aga Kure, qui est le livre des samouraïs, Il y a à boire et à manger à l'intérieur, hein, y a des choses à prendre, à laisser, chacun libre cours. C'est plein de... Alors ce sont soit des phrases, soit des petits paragraphes. Et ce texte forêt, pardon ce texte, cette musique forêt part d'un texte de Lagacouré qui parle de justement l'instinct de se mettre à l'abri lorsque l'orage survient, lorsque nous sommes en chemin, en extérieur. Voilà, donc moi je m'imprègne de cette situation-là que je connais et du coup j'en crée, j'essaie de mettre en musique cette situation-là. Jean-Pierre Lérac, donc vous avez programmé Marie Olaya dans le cadre d'un pavé dans le jazz pour le concert qui aura lieu le mardi 31 janvier au Taquin. Ce soir-là, il y aura le bridge, mais on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Pourquoi Marie Olaya dans ce concert-là? Et qu'est-ce que c'est qui vous a intéressé dans cette jeune musicienne? Quoique, après l'avoir entendu pendant un petit quart d'heure, je commence à avoir des idées. Oui, mais juste avant de parler de Marie, je crois que j'ai envie... Ce que ça m'inspire, c'est en fait... je voulais parler de cette scène toulousaine dont on est si fier. Et parce que c'est lié, tout ça. Et en fait, c'est vrai que toute cette effervescence, elle en est le reflet, là. Toute cette effervescence qu'il y a au niveau du jazz. Pas qu'au niveau du jazz, dans beaucoup de musique, d'ailleurs. Et c'est une chance. Moi, ça fait depuis que je m'occupe du Festival de Luz, on suit un petit peu tout ce qui se passe sur cette scène toulousaine. Et c'est très bouillonnant. Il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. En fait, chaque année, il y a toujours des groupes à venir. C'est une richesse infinie. Et vraiment, ce qui est particulier, c'est au niveau de toutes les générations, puisque on a la génération des... On parlait tout à l'heure de Marc Desmonts. On va y revenir, mais toutes les générations des quinquas et plus. Toute cette génération qui ont fait des choses extraordinaires, on ne va pas revenir dessus. La dernière preuve est encore. On va citer des noms. Il y a Marc Mafiolo, il y a Laurent Paris. Oui, mais il y en a trop. Il y en a trop. C'est vrai qu'il y a un petit peu Marc Desmonts, c'est vrai qui est quand même un petit peu la figure de proue. Mais je repense, il y a 15 jours, il y a eu cette fameuse. Ce concert de Facteurs Sauvages à Grandi, où ils n'ont pratiquement pas répété, et c'était magique. Donc c'était il y a une quinzaine de jours à la Rainerie. Le cadre d'une balade pédestre organisée par Morezom Productions. Voilà, c'était donc Facteurs Sauvages qui a été renforcé de Non Noise Reduction et de Sébastien Sirotto. Et ça pour moi, ça me dit, il se passe quelque chose de particulier dans cette ville. Je crois que c'est unique en France, à part Paris, hein, et j'en suis sûr même. Voilà. Donc ça, je voulais dire ça avant. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est que dans la nouvelle génération aussi, il y a les Baraka Free, mais il y a aussi dans le jazz traditionnel de toute la génération autour d'Étienne Manchon. Ça fait qu'il y a une richesse, surtout toutes les esthétiques du jazz à Toulouse. Quoi. Et notamment, on parle de la Baraka Free, on en parlera tout à l'heure, mais un concert ce soir au Taquin avec une nouvelle formation toulousaine un peu importante, Universal 8 Orchestra, où on retrouve pas mal de jeunes de la Baraka Free d'ailleurs. Tout à fait. Et ça aussi, ça va être à découvrir. Et c'est vrai qu'on est assez excité d'aller voir ce concert ce soir. Voilà, donc, c'était, je voulais faire cette parenthèse sur cette vitalité du jazz. Moi, j'en ai déjà parlé, mais il sait bien de se le rappeler. Et en fait, l'autre histoire, justement, et c'est là que j'en viens à Marie, c'est que chaque année, il y a toujours un musicien comme ça. Qui émerge plus que les autres. Et nous, on est très attentifs à ça. C'est à un moment donné quelqu'un qui va inventer quelque chose de plus. Quoi. Et voilà, on en a toujours des petites surprises. Et c'est pour ça qu'on programme Marie, parce que ça fait partie des jeunes musiciens qui, tiens, tout d'un coup, ils ont quelque chose qui nous amène quelque chose d'où ça sort. Quoi. C'est quelque chose qui nous interpelle. C'est pour ça que de suite, on s'intéresse, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Et parler tout à l'heure de elle me disait casser les conventions. Ça, j'ai trouvé que ça, c'était, on sent dans ce qu'elle fait qu'il y a une casse. Et ça, ça vous plaît? Ça me plaît, j'aime ça, parce que la formation est évidemment indispensable. On fait une formation, on a un truc. Et à un moment donné, de se dire, tiens, moi, je vais casser les cordes, comme elle dit. Et ça, je trouve que c'est génial. Et ça se retrouve dans son travail. On parlait de Marc Desmoreaux. Et moi, ça rencontre Marc Desmoreaux. C'est pour ça qu'on y revient. Moi, je trouve, encore une fois, l'important. Non seulement c'est une locomotive sur toutes ces musiques improvisées à Toulouse, mais là, on voit bien ce qu'il fait passer à travers le musical. C'est un passeur. Et il donne envie à des musiciens comme ça de foutre ce coup de pied dans la. Et voilà. Et donc, je voulais dire ça. Et en fait, sur le. Ce qui est rare, par contre, sur ces générations, c'est vrai qu'il y a très peu de formations qui sont intergénérationnelles. Ça, c'est pas le cas qu'à Toulouse, c'est un peu partout. C'est un truc, une particularité. Les musiciens, ils jouent sur les mêmes générations. Et là, je dis, par exemple, Marc Desmoreaux, il monte un nouveau quartet qui s'appelle Samouche, hein, et dans lequel il y a Marie Olaya. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que ça prouve cette ouverture qu'il a. Il a envie de travailler avec des jeunes musiciens. Et moi ça me séduit complètement. Voilà, j'avais envie de dire tout ça. Je terminerai, et j'aime bien terminer comme ça, en disant que Marie Olaya, non seulement elle sera au Pavé, mais elle sera aussi cet été à Luz. Mais voilà. Voilà, c'est le message pour terminer. Bon, elle sera sur un ou deux concerts, c'est une espèce de mini carte blanche. Elle n'était pas sûre encore de ça, je lui ai appris aujourd'hui. Bon, c'est très bien, comme quoi Caramel Mou sert aussi à ça. On rappellera quand même, pour être facétieux, qu'on connaît déjà deux éléments du programme de Jazz à Luz de l'année prochaine. On pourra voir le triptyque autour de John Zorn, fabriqué par Amalric, Mathieu Amalric. Et puis donc, on pourra y écouter deux fois Marie Olaya au fur et à mesure. On distillera comme ça quelques éléments du programme de Jazz à Luz de juillet prochain. Chaque semaine à Caramel Mou, je dévoile un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, on va petit à petit. Parfait. Enfin, on aura compris en tout cas pourquoi la démarche et la musique de Marie Olaya peut vous intéresser, peut intéresser les programmateurs d'un pavé dans le jazz. On le disait tout à l'heure, musique d'équilibriste, musique de funambule, parce que effectivement, même si vous avez une pédale d'effet, ce que vous nous disiez tout à l'heure, un maximum de pédale d'effet sous vos pieds, c'est quand même suffisamment casse-gueule cet exercice pour ne pas supporter la faute. Et vous disiez tout à l'heure qu'au conservatoire, on ne supportait pas les fautes non plus, mais là, un écart d'accord, tout de suite s'entend 100 fois, parce que vous pouvez pas vous cacher derrière les copains qui jouent avec vous. Tout à fait, mais quand on fait confiance profondément à son instinct, ça fonctionne. C'est quoi qui est si jubilatoire dans le solo? C'est la liberté totale, je souligne mes mots, de l'interaction avec soi-même. De jouer à plusieurs, c'est super, mais il y a quand même un courant commun qui se fait quand on joue en groupe. Le son, il se place au centre entre musiciens qui sont en train de jouer. Là, eh ben, il faut trouver son propre centre. Et il n'y a rien qui d'extérieur qui puisse nourrir un rebondissement instinctif parce qu'on a entendu le son de notre copain à côté, de notre copine par là. Non, là, en fait, on est seul, exactement comme ce texte de Lagacouré, où on marche et qu'on se retrouve sous un orage hyper fort, on est tout seul. Ben, il faut se débrouiller tout seul pour trouver un abri, sachant qu'on sera mouillé dans tous les cas. Et ben, en solo, c'est exactement la même chose. Et quand même, lorsqu'on casse les conventions de cette manière-là, on se rend très vite compte que, en fait, même si, par exemple, ma pédale de boucle s'arrête en plein milieu et que je n'avais pas prévu ça, je suis tellement concentrée sur mon propre instinct que je ne vais pas me préoccuper sur le moment que ma collègue à côté de moi va être aussi impactée par cette boucle qui s'arrête. C'est moi avec moi-même, donc comment je rebondis? Et si moi je suis en confiance avec moi-même, ça marche. Enfin, ça, je veux dire, le film ne se perd pas. Vous disiez tout à l'heure que la musique dans ce moment-là et dans cette forme de solo, ça avait à voir avec l'instinct. Vous pouvez un peu développer cette idée? Oui, je vais essayer de ne pas parler pendant 2 heures parce que c'est une très très longue réflexion. Tout ça part d'une psychanalyse quand même, justement d'une remise en question de soi, remise en question de plein de choses. Justement, j'en suis venue à cette musique instinctive, entre guillemets, parce que moi-même, dans la société, je ne sais pas, ne serait-ce que dans un bar pour aller boire des verres avec des amis, je ne savais même pas comment me placer. J'ai une personnalité, j'ai un certain caractère, je suis assez radicale. Et donc, je sentais que chaque fois que j'interagissais, même avec des potes, je veux dire, à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui tremblent. Et à un moment, je me suis dit, c'est qui tout double, en fait. C'est soit je me tais, je deviens muette et je cultive je ne sais trop quoi à l'intérieur qui n'est pas cool. Soit je trouve un moyen de... Mais ce n'est pas pour rien si moi, mon esprit m'envoie ces informations-là, si j'ai envie d'exprimer ces choses-là. Peut-être, par contre, qu'il y a une forme à avoir. Par contre... C'est très important d'exprimer pour moi ce que l'on ressent. Bien entendu, soulever des tables parce qu'on est en colère, cela dit, ça peut faire du bien parfois, mais il ne faut pas le faire systématiquement parce que les gens ne retiennent que cette action-là et pas forcément le fond de pourquoi est-ce qu'on soulève une table. Et d'où après, pourquoi j'en suis venue à cette musique-là, en fait. Et que la musique est quand même... Cette musique instinctive, en fait, elle en est venue pour moi. En fait, c'est aussi une comme une thérapie de ma vie au quotidien, quoi. C'est vrai qu'à vous écouter, on a l'impression que la musique c'est une façon de prendre votre place, De créer ma place. Ouais, de créer votre place. C'est un peu ça. Oui, pourquoi ? Parce que j'écoute de la musique depuis que je suis dans le ventre de ma mère et j'ai une éducation musicale quand même assez... Assez poussée, de l'ordre de l'Angleterre, même si je ne suis pas du tout issue d'une famille anglaise, mais c'était très anglais ce que j'écoutais. On m'a appris à écouter la musique et ça a été immédiatement un échappatoire pour moi. Mais déjà au bac à sable, à l'école primaire, en fait. J'ai senti que c'était... Déjà un refuge pour moi, la forêt quand je veux sortir. Dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, et la musique dans ma chambre quand je ne peux pas aller dans la forêt. Bon, mais écoutez, très bien Marie Olaya, merci d'être venue nous voir ce soir. Je pense qu'on n'en a pas fini avec vous. Juste avant le début de cette émission, on se disait que vous pourriez faire partie aussi des concerts à la radio qui sont donnés régulièrement dans cette station. Donc je pense qu'on va vous retrouver très vite lors d'un concert à la radio en solo. Ça nous permettra aussi de continuer cette discussion, puisqu'il faut aussi savoir que en plus de votre solo, vous jouez dans pas mal d'autres formations. Il y a deux duos notamment qui vous concernent, Bruit Fureur avec une autre guitariste. Là c'est un duo de... C'est ma collègue n'est pas guitariste, elle est en fait elle vient du théâtre et elle est prof de français. Donc c'est une grande littéraire qui a besoin beaucoup de s'exprimer et qui est très engagée quand même dans ce qu'elle dit. Et donc c'est texte guitare là. C'est texte guitare. Voilà. Donc ça c'est Bruit Fureur et puis il y a Dramatique Bong Joe avec Nicolas Lafourest, autre guitariste équilibriste lui aussi. C'est vrai que la confrontation des deux est assez étonnante. Vous faites aussi partie d'un collectif Troisième Face qui vous amène à participer régulièrement à des créations communes comme il y a en a une qui va bientôt se faire au Taquin, je crois, mi-février, c'est ça ? C'est ça, le 11 février. Voilà. Et là aussi, vous êtes avec d'autres musiciennes de troisième face sur des créations assez collectives. Donc, il n'y a pas que le solo. Et il y a Samouche, le nouveau groupe de Marc Desmoreaux, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre. En tout cas, pour vous, l'actualité toute immédiate, c'est le 31 janvier avec ce concert en guitare solo au Taquin dans le cadre d'Un pavé dans le jazz. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Et on va se quitter en écoutant la continuité du morceau qui nous a accompagné pendant tout cet entretien. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Mais c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Ça va bien. Ça poutre, comme disent les jeunes. Ouais, ça poutre bien. Ah, si ça poutre, alors ça poutre. Bon, on poutre de quoi aujourd'hui? Me voilà bien embêté. Je vous avais dit que je vous parlerais de chien. Eh ben oui. Alors voilà. Alors effectivement, j'arrive avec un film de chien. Mais c'est pas celui que vous aviez prévu. Alors si, mais alors c'est très très très très très difficile d'en parler. Alors je vais essayer quand même de vous parler de Caniche. Aïe. Regardez ça. Ça existe, hein? Ouais. Regardez ce beau Blu-ray. Ah oui, et c'est vrai, on voit. Je prouve que c'est un caniche. Alors, voilà. Évidemment, les auditeurs d'Éditrice ne peuvent pas le voir. Mais si vous voyez la permanente que s'est fait ce caniche pour la photo de couverture, magnifique. Voilà, et voilà. Donc, c'est un caniche. Voilà. Il fait même, on peut dire, en quatrième de couverture aussi, il y a un caniche. Ouais. On peut le voir. Alors, ce qu'on ne peut pas voir, c'est qu'il a ses petits ongles peints en rouge, comme ça. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un caniche coquet. Alors, qu'est-ce que c'est que caniche? Alors là, par contre, c'est là où il faut s'accrocher. Donc, caniche, plus exactement, puisque c'est un film espagnol de la fin des années 79, pour être précis, c'est un film de Bigas Luna. Alors, alors vous connaissez Bigas Luna. Ramon. Exactement. Alors, qui est un cinéaste qui a eu une carrière vraiment très, très, très, très bizarre, qui a commencé, donc, caniche, c'est son troisième film. Il en avait fait un juste avant, qui s'appelle Bilbao, qui avait déclenché un scandale en Espagne. Caniche a déclenché un scandale aussi. C'est quelqu'un qui a crocheté aussi par le film d'horreur, qui a fait un film formidable qui s'appelle Angoisse, comme ça, qui était une espèce de mise à l'abîme à l'intérieur d'une salle de cinéma dans laquelle le spectateur se projetait dans une salle de cinéma, etc. etc. Donc c'était vraiment très très très bien. Il y a eu, comme vous avez dit, Jambon, hein, Ramon. Il y a eu aussi L'Incroyable Macho. Alors ça, c'est deux comédies, parce que c'est quelqu'un qui sait un peu toujours... Alors, c'était pas le cas de son film d'horreur, Angoisse, mais c'est quand même quelqu'un qui s'est toujours payé l'Espagne, comme on dit, c'est-à-dire les us et coutumes de l'Espagne vu par Bigas Luna. C'est quelque chose. Alors, il y avait ces comédies, effectivement, comme Jambon et Macho, qui sont excessivement drôles et très coquines aussi. Et très méchantes. Et après, il y a ce versant sombre, si on peut dire, de début de carrière avec ce fameux caniche. Alors, qu'est-ce que c'est que caniche? Enfin, de quoi ça parle? Alors ça, je vais essayer de m'exprimer correctement, sans choquer l'auditrice et l'auditeur. Attention, c'est parti. Donc nous sommes dans une grande demeure comme ça, une demeure assez bourgeoise mais complètement décatie, avec une superbe piscine, mais cette piscine aussi elle est vraiment très saumâtre. L'eau est saumâtre, enfin tout est très sale, les murs sont lézardés, et il y a dans cette maison un couple. Donc alors, on ne sait pas trop les relations qu'ils entretiennent, ils ne parlent pas beaucoup, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on comprend que c'est quand même un couple qui a été aisé mais qui ne l'est plus, et entre les deux il y a ce caniche. Et tous les deux vont, que ce soit l'homme ou la femme, vont essayer de s'attirer les faveurs du caniche. Alors, d'une manière un peu différente, chacun d'eux. Donc, je laisse vaquer l'imagination de l'auditeur et de l'auditrice qui pourra imaginer donc, ce qu'on peut faire avec un petit pot de miel quand on s'ennuie la nuit et qu'on a un caniche sous la main. Voilà, ouais, c'est bien. Dit, c'est dit. Et si on n'a pas d'imagination, on se reportera sur le film. Et si on n'a pas d'imagination, bien sûr. Alors, en plus, c'est super parce qu'on va le projeter à la Cinémathèque très très bientôt dans le cadre d'Extrême Cinéma. Et il lui fallait un cadre, il fallait que ça s'appelle Extrême Cinéma. Je vous le garantis. Mais qu'est-ce qui se passe aussi dans cette maison? Eh bien, il y a le garçon qui est dans cette maison. Eh bien, lui, il fait quelques virées nocturnes où il va, recueillir des chiens, des chiens errants, qu'il ramène dans le garage. Alors on ne sait pas trop pourquoi, on va le découvrir, hein, vous inquiétez pas, voilà. Ou alors il aurait mieux pas fallu que nous le découvrions. Mais bref, en tout cas on va le découvrir dans le film. Voilà, je laisse à nouveau vaquer l'imagination de l'auditrice et de l'auditeur de cette émission. Et il y a toujours ce frigo qui est rempli de viande. Et on donne de la viande à manger donc à ce petit caniche, de la viande hachée, qu'il a bien mérité parce qu'il a beaucoup travaillé la nuit. Et alors on lui peint les ongles, là, comme j'ai dit, comme ça. Alors il est tout beau, comme ça, il a un petit nœud dans les cheveux. Ce chien est absolument formidable, il s'appelle Danny. Alors certainement que Danny doit être. Il a vécu sa belle vie de caniche. Je vous garantis que c'est un excellent acteur parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable dans ce film, c'est Bigas Luna met en scène ce chien, mais saisit quelque chose sur le museau de cet animal, et ce qu'il saisit, c'est l'horreur. Et donc Danny, puisque c'est son nom, veut absolument partir de cette maison, veut partir de cette maison de l'horreur, parce que je vous garantis que c'est véritablement la maison de l'horreur. Alors c'est un film qui est quelque part tout en non-dit, qui devient excessivement graphique dans son dernier tiers, où tout s'éclaire et voilà. voilà, et on comprend vraiment en fait, ce qu'il y a dans voilà. le frigo. Mais en fait, qu'est-ce que, alors quand même, on peut se dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'a essayé de faire Bigas Luna quand même. Et à la fois, Bigas Luna a fait quelque chose de très simple et de très compréhensible. C'est un film qui date de 79. On est dans la période post-franquisme. Voilà, Franco est mort 2 ans et demi plus tôt. C'est exactement ça. Et c'est-à-dire que Bigas Luna décrit, comment dire, la déliquescence, et le mot est faible, de cette bourgeoisie, en fait, complètement, finalement, complètement dégénérée. Mais il décrit aussi, il y a un petit twist dans le film que je peux révéler d'ailleurs. Il y a un moment donné, il y a ce couple qui va faire un petit héritage, enfin un petit héritage, un gros héritage. Et alors là, la maison va devenir, va retrouver les fastes qu'elle a eues à l'époque du franquisme. Mais donc, bien évidemment, là, avec on est en pleine société de consommation. Donc, il faut absolument acheter des produits ménagers, un hachoir à viande, un couteau électrique d'ailleurs, pour couper la viande. Tout sert à couper la viande d'ailleurs, plus ou moins. Il y a une espèce d'horreur comme ça, latente, qui traîne dans ce film-là. C'est absolument délicieux. Et Danny a peur. Et Danny, on le voit dans ses yeux, Danny veut partir de cette maison. Il faut qu'il fuit cette maison, il faut qu'il fuit ces gens affreux qui sont en pleine dégénérescence. C'est un film absolument formidable. Je ne sais pas si les Espagnols ont beaucoup apprécié, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas tendre. Il y a, comment dire, c'est une espèce de conte aussi, on peut dire. Hein. C'est une espèce de conte de fées, pour chiens peut-être, finalement, qui ne s'adresse pas tellement aux humains. Un conte de fées pour chiens. Voilà, en tout cas, voilà, venez voir ce film, parce que c'est absolument incroyable. C'est vraiment quelque chose. C'est un film très, très, très étrange. Il fallait oser, parce que ça va excessivement loin. En gros, si vous voulez, je peux, voilà, je vais simplement prononcer deux mots, c'est inceste et zoophilie. Donc si vous mélangez les deux, vous avez quelque chose d'absolument formidable. Voilà. Donc voilà, on y rit aussi beaucoup. Parce que, non mais c'est vrai, pour se soulager. Il y a une espèce d'humour à froid, alors qui est très froid, hein, il faut aller le chercher, hein, c'est du 2, 3e degré, voire 4e. Mais je trouve ça absolument délicieux. Et puis Danny est vraiment le meilleur acteur du monde, voilà, je vous le garantis. Voilà. Voilà, ça s'appelle Caniche, de Bigas Luna, ça date de 79. Alors il y a un Blu-ray qui est sorti en Espagne, avec des sous-titres anglais. Uh-huh. Voilà. Y a très peu de dialogue d'ailleurs, hein. Tout passe par l'image. Mais si vous voulez vous amuser à le voir en salle, eh bien, ce sera projeté donc en février lors du festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse. Voilà. Et là, pour le coup, il y aura des sous-titres en français. Formidable. Donc, Extrême Cinéma. Donc, notre bon professeur Thibault viendra nous raconter le sommaire dans quelques semaines. Merci Fred, et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, bien sûr. comme on dit dans le poste, attention, ça reprend, les micros sont ouverts, la lumière est rouge, et on en arrive à notre page hebdomadaire des concerts du soir. Eh bien, les concerts du soir, ça commence avec ce qu'on est en train d'écouter, le Universal 8 Orchestra. Bon, outre le fait que la musique est quand même vraiment très très chouette, intéressante, on entend des choses qui pourraient venir du Libération Orchestra, on pourrait entendre des choses, des immenses workshops des années 60, enfin, il y a des trucs comme ça. Par contre, le nom de groupe, il faudra qu'il me l'explique, N Universel Orchestra, ça faudra quand même qu'un jour on m'explique, qu'on m'explique comment on a pu s'appeler comme ça. À la limite, bientôt on appellera ce groupe UHO, ça sera plus simple, mais en tout cas UHO fait donc son premier concert ce soir au Taquin. Quelque chose d'assez formidable. Jean-Pierre Lérac, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est le moment dans le micro bleu, s'il vous plaît. Non, je ne voulais pas rajouter. Nous y serons ce soir tous les deux. Voilà. C'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, cette jeune... De jeune génération. Ouais, voilà. Voilà. Cette jeune garde toulousaine, donc UHO, Universal 8 Orchestra, ce soir au Taquin, à partir de 21h, conseil chaudement recommandé par la maison. Mais à part ça, il y a de la musique partout en ville, encore ce soir, par exemple du rap au Rex, ce soir à 20h avec Alk Pop, soirée goguette, vous savez les goguettes, ces chansons détournées, on garde la musique, on change les paroles, donc soirée goguette ce soir à l'Itinéraire Bis à 20h, c'est une scène ouverte, soirée découverte locale avec les sessions musique fertile organisées par le Connexion Live, avec ce soir trois groupes plutôt pop folk, on pourra écouter Antoinette Cremona, également Wildflower Union, et puis Élise Maté et Élise Esther, concert à partir de 20h et c'est un concert gratuit. Du slam ce soir à la salle Pugibé, qui se trouve 20 chemin Pugibé avec Sony Bébé, concert donc à partir de 20h également. Mandarine et Nati Gwin, c'est du hip-hop instrumental à 20h30 à l'espace Saint-Cyprien. Du bluegrass à la Candela ce soir avec Jurassic Grass à 20h30, ça fait deux semaines de suite qu'on annonce du bluegrass à la Candela. Est-ce qu'il y a un phénomène de revival pour cette musique ou quoi? Faudra quand même regarder un peu de plus près. En tout cas, cette formation est comme celle de la semaine dernière, toulousaine, donc il y a une scène bluegrass toulousaine, il va falloir aller regarder ça. Il y a une jam flamenca ce soir à Maison Blanche, Arnaud Bernard, une jam flamenca qui est animée par Raphaël Pradal à 20h30. Mounaïm, c'est de la musique afro-gnaoui aux Ogresses ce soir à 20h30. Du punk à la Cavaroc avec deux groupes de Paris, Sleep et Stupid. Et puis un groupe toulousain, Moustache Garcia. Et puis les interplateaux seront assurés par Frankie Stein à partir de 20h30. Comme d'habitude, les soirées à la Cavaroc sont absolument démentes. Ne ratez pas ces soirées-là, allez en voir une. L'ambiance est toujours très très chaude et la musique, mais c'est du rock, ça vrille les oreilles et c'est formidable. Rock encore au Ravelin ce soir à 20h pétante avec deux groupes perpignanais, les Mormons with Guns. Alors déjà que Mormon, c'est pas rigolo, mais si en plus ils commencent à prendre des flingues, c'est encore moins marrant. Donc les Mormons with Guns qui seront suivis des Ghost Twist, deux groupes de la scène perpignanaise ce soir au Ravelin à partir de 20h. Nouvelle jambou partie au Beers House à 21h avec ce soir Cassonade et son funk des Antilles. Le trio d'Étienne Manchon sera lui ce soir à l'impro à partir de 20h30. Au Bijou, on pourra écouter de la musique du monde avec le groupe Joulik à 21h30. Nouvelle soirée sur le fil à Archipel. C'est un endroit, une salle qui se trouve place Arnaud Bernard avec ce soir les lectures de Bérangère Guillard. On pourra également y voir la danseuse Rebecca Steven Dart, les dessins de Louison et puis la guitare guitare et la clarinette de Laurent Avizou. Laurent Avizou qui est aussi l'organisateur de ces soirées pluridisciplinaires. Théâtre à la CAFPO avec les têtes de lecture par la compagnie Éprouvette. Ce spectacle croise les témoignages fictifs de personnages entichés soit par un livre, soit par une musique et qui nous explique pourquoi ce choix. Début du spectacle à 21h et puis nous allons finir cette page concert comme nous l'avons finalement commencé au Taquin. Si ce soir c'est donc Universal 8 Orchestra que l'on pourra écouter au Taquin à partir de 21h, et bien le week-end au Taquin se terminera par deux concerts du Rémi Panossian Trio, demain soir à 21h et dimanche à 19h le RP3 qui en profitera pour fêter la parution de son nouvel album Sun Monkey Voltage, dont nous écoutons tout de suite Monkey Chicken demain soir à 21h au Taquin. Dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de Boy Scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Ouh! Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, retour sur ces zones campusiennes de John Little pour un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Ça va encore dépoter ce soir. Quant à nous, on se retrouve et bien d'abord demain soir à 22h pour une nouvelle liste. Et celle de demain a été concoctée par l'accordéoniste Claude Delrieux. Et l'on se retrouve également ensuite, la semaine prochaine, pour un spécial détour de chant. Caramel Mou, détour de chant la semaine prochaine. Allez, on va se quitter avec un autre groupe toulousain. On aura écouté beaucoup de groupes toulousains ce soir, avec Super Panella. Super Panella, mini fanfare toulousaine mêlant cuivre et percussion autour d'un répertoire de musique afro-colombienne. Et bien, Super Panella sera demain soir au Métronome à 20h30 dans le cadre de la 26e édition du festival Cuba Hoy, également sur la scène du Métronome avec Super Panella, Tani Dual, trompettiste toulousain très connu, mais également bidouilleur de son et DJ assez incroyable. Donc Super Panella, épaulé par Tani Dual, demain soir au Métronome à partir de 20h30, et Super Panella tout de suite dans Caramel Mou avec Septimo Sol. Salut les filles. We'll be right back. Caramel.